الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد. درسنا في الجمعة الماضية ما حصل بعد غزوة أحد من صبيحتها أو من صبيحته ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أرسل بعد بعض السرايا عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند سرية بئر معونة. La semaine passée, nous avons étudié les différents événements qui se sont produits du lendemain de la bataille de Uhud jusqu'à بئر معونة, la سرية qui se nomme بئر معونة ou سرية القراء. سرية القراء. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu la visite de certaines personnes de Najd qui lui ont demandé de lui envoyer des gens savants du Coran, de la Sunna, de l'Islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à leur demande. Et il a envoyé 70 parmi les meilleurs des compagnons, parmi les savants des compagnons. On les surnommait Al-Qurra. Et Sariyatu Bi'ri Ma'una a eu lieu fi sanati rabi'a, a eu lieu en l'an 4 ba'da al-Hijra, après l'Hijra, fi shahri Safar, dans le mois de Safar. Et cet endroit Bi'ru Ma'una et à environ 160 km de Al-Madina, Et on trouve des informations dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il nous dit qu'ils étaient 70. Donc le nombre de ses compagnons qui ont été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élève à 70. Et ils sont connus sous l'appellation de Al-Qurra, les lecteurs. Et Al-Qurra, à l'époque des anciens, ce sont les gens de science, pas ceux qui lisent le Coran sans le comprendre ou sans l'appliquer, mais plutôt les gens de science, Al-Ulama, Al-Amiloun, ceux qui ont la science et la mettent en pratique. Ils étaient donc 70. Et ces gens-là ont été décrits dans les différents ahadiths comme étant des gens yusalluna billayl wa yaqra'una al-Qur'an. La nuit, ils adoraient Allah tabaraka wa ta'ala, psalmodiaient le Qur'an et priaient. Quant à la journée, ils ramassaient le bois et le vendaient pour se nourrir eux et nourrir ahl-suffa, les pauvres parmi al-muhajirin et les pauvres parmi ceux qui vivaient à la mosquée. Donc ce sont des gens qui sont dans la science du Qur'an, dans l'adoration, dans qiyamul layl, dans sadaqa, dans l'ibadat. Ils faisaient partie des meilleurs parmi as-sahaba. Et ils dépensaient de ce qu'Allah Azza wa Jalla facilitait pour nourrir les pauvres. Et dans le recueil de l'imam Muslim, on fait également référence à ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc envoyés. Et la cause de cela est qu'un homme qui se prénomme Aboul Bara, qu'on surnomme Al-Mula'ib Al-Asinna Aibir Rimah, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, où il est venu al-Madina, Cet homme-là qui se nomme Abu al-Bara et qui est surnommé Al-Mula'ib, Al-Asinna, c'est-à-dire Al-Rimah, est venu à Al-Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à l'islam. Il l'a invité à l'islam. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, il ne s'est pas converti à l'islam, mais il ne s'en est pas éloigné. Plus tard, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « لو بعثت أصحابك إلى أهل النجد ليدعوهم si ليدعوهم » Pourquoi est-ce que tu n'envoies pas ? Donc cet homme-là qui a refusé de se convertir mais ne s'est pas grandement éloigné, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Pourquoi n'envoies-tu pas certains de tes compagnons aux gens de Najd ?» afin qu'il les invite, liyad'uhum ila dinik, afin qu'il les invite à ta religion. La raja'utu an yuslimu. Naam. Cet homme-là, Abu al-Bara, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en envoyant des compagnons pour inviter les gens de Najd à l'islam, c'est, il y a un effort possible qu'ils répondent à leur appel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour ses compagnons. Des gens de Najd, car à Najd il y avait des gens qui avaient de l'inimitié à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam de manière plus générale. Mais Abu al-Bara a dit qu'il les mettrait dans son diwar. A dit qu'il yani ana qala ana ja'un lahum ay aj'aluhum fi diwari. Il a dit, ils seront sous ma protection et dans mon voisinage. Ils seront sous ma protection et dans mon voisinage. Et peut-être, c'est-à-dire que, c'est une chose connue chez les Arabes, que lorsque tu accueilles une personne ou une tribu ou un groupe et que tu les mets sous ta protection, aucune autre tribu a le droit de les toucher d'un mal, par respect envers cet accord. Donc, ça c'est une première cause, c'est que Abu al-Bara a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer des gens à Najd pour les inviter à l'islam. Aussi des tribus comme Bani Sulaym ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Des tribus comme Ri'l, comme Zakwan et d'autres. Bani Lahyan et il y avait un homme qui était très orgueilleux et qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme se nomme Abu al-Tufayl. Et Abu al-Tufayl est le neveu de Abu al-Bara. Abu al-Bara est celui qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer des gens à Najd. Et celui qui a dit qu'il mettrait les compagnons sous sa protection, dans son voisinage. Mais son neveu, Abu al-Tufayl, qui lui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas respecté le diwa de son propre oncle. Il n'a pas respecté l'engagement de son oncle et il a trahi cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés, donc ses 70 compagnons, comme c'est rapporté dans le cas d'Imam al-Bukhari, Ammar alayhim al-Mundhir Ibn Amr, il a mis en émir, il a mis Al-Mundhir Ibn Amr, Al-Mundhir Ibn Amr, qu'on surnommait Al-Mu'niq Liyamut. Donc cet homme-là était un des plus courageux, en plus d'être une personne de science, de grande dévotion, de piété. Il était très courageux, c'était quelqu'un qui avançait dans le combat. Et c'est le même, c'est celui duquel nous avions parlé dans la bataille de Uhud. Il faisait partie de ceux qui étaient sur un des deux côtés. Donc ils se sont avancés jusqu'à atteindre Bi'ru Ma'una. Arrivé à cet endroit, donc entre Bani Amr et Harrata Bani Sulay, ils ont envoyé l'un d'entre eux avec une lettre émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur dirigeant, à un de leurs chefs, qui est donc Amir ibn al-Tufayl. Les compagnons ont envoyé un homme qui se prénomme Haram, et c'est l'oncle de Anas ibn Malik. C'est le frère de Umm Sulayn. C'est Khal Anas ibn Malik. C'est le frère de sa mère Umm Sulayn. Il se prénomme Haram ibn Miljan. Haram ibn Miljan. Cet homme-là est parti voir Amir ibn al-Tufayl. Et avec la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amir ibn al-Tufayl, cet homme-là, n'a même pas regardé la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est détourné de lui. Puis, il a ordonné à ce qu'il soit assassiné. Il a ordonné à ce qu'il soit assassiné. Faja'a rajulun min wara'ihi wa ta'anahu fi dhahrihi bi harba. Subhanallah. Amir ibn Tufayl a ordonné à ce qu'il soit tué. Alors un homme est venu de derrière lui avec une lance et il lui a rentré dans le dos. Alors que lui est venu pour transmettre la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet homme lui a rentré la lance et qu'il a vu le sang sortir, il a dit Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'ba. Subhanallah. Rijalun sadaku. Rijalun bima'na al-kalima. Hada ar-rajul duriba wa qutil wa ma'ala lisanihi illa dhikrullah. Wa yaqul Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'ba. Farahan باستفائه من عند الله سبحانه وتعالى ويرى هذا تكريما له رضي الله عنه. Donc cet émissaire qui est venu voir leur responsable et lui transmettre la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été accueilli de la plus mauvaise façon et ils les ont trahis et ils ont fait un complot contre eux. Donc, une personne lui est venue par derrière et lui a enfoncé une lance dans son dos, radiallahu anhu. Lorsqu'il a vu le sang, il a dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, fuztu wa rabbil Ka'ba, j'ai réussi par le Seigneur de la Ka'ba. Et il s'est réjoui de voir qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé une bonne fin sur le Tawhid. Et il espère qu'Allah Azza wa Jalla l'a élu pour avoir les plus hauts degrés juste en dessous des Anbiya wa Siddiqin. Et cet homme-là, Amir ibn al-Tufayl, était un de ceux qui détestaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cet événement, il a déjà rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mal comporté envers lui, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, nous rapporte que cet homme est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a proposé une de trois choses. La première, il lui a dit « Adkhulu fi dinik », je rentre dans ta religion, mais on se partage cette affaire. Toi, tu gouverneras et auras la responsabilité des villes, et moi, je serai responsable des villages et des campagnes. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu prendras tout ce qui est ville. Et moi, je prendrai tout ce qui est éloigné, les gens des, yani ceux qui vivent dans les tentes et les gens des campagnes et ainsi de suite. Ça, c'est la première proposition. On se partage cet ordre. La deuxième, Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tousini ou Tousi ba'dak bi an akuna khalifa. A dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'après ta mort, c'est moi qui serai le responsable. Et on est comme si c'était un héritage. Après ta mort, c'est à moi que devra revenir cette affaire. Et écoutez, cet homme rempli d'orgueil, et on verra la fin qu'il a eue. Et on verra la fin qu'il a eue. Nas'alallah al-afwa al-afiyah. La troisième chose, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas contraire, si tu n'acceptes ni la première, ni la troisième, la troisième chose qui t'arrivera, c'est que je vais lever une armée de 1000 hommes avec 1000 montures. Je vais lever une armée de 1000 hommes sur 1000 chevaux. Donc voici ce qu'il a dit et osé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra plus tard, inshallah ta'ala, quelle fin Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Lui qui rêvait de concurrencer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre la moitié de cette affaire et de prendre cette affaire entièrement après sa mort, on verra ce qu'Allah azza wa jal lui a écrit ou décrété. Quant à Haram ibn Miljan, donc celui qui s'est fait assassiner lâchement et suite à ce complot, celui qui l'a assassiné se nomme Jabbar. Celui qui l'a planté avec cette lance derrière le dos se nomme Jabbar ibn Salma. Jabbar ibn Salma. Lorsqu'il a entendu Haram ibn Miljan dire Fuzt Allahu Akbar, Fuzt wa Rabbi al-Ka'ba, ça l'a affecté. Ça l'a affecté et cette parole est restée ancrée en lui un long moment. C'est comme s'il se disait, comment est-ce qu'il a réussi alors que c'est moi qui l'ai tué et il est mort et ceci et cela. Comment est-ce qu'il peut considérer avoir réussi et avoir gagné? Donc c'est une parole qui lui est restée. Plus tard, cette parole l'a tellement affecté qu'il a questionné au sujet de cette parole. Il a demandé à des musulmans. Il a dit, lorsque je l'ai donc planté avec la lance, il a dit Allahu Akbar Fustu wa Rabbi al-Ka'ba. Et ce jour on lui a répondu Na'am, Faz, Bishahada. On lui a répondu Na'am, Na'am, qu'il a réussi, on lui a expliqué. Lorsqu'on lui a expliqué, il a dit Faz ala Amrullah. Quand on lui a expliqué, il a dit en effet, il a réussi par Allah. Et ça a été la cause de sa conversion à l'islam. Donc lui a assassiné cette personne et dans son état qu'il a, yani sa réaction devant ce qu'Allah lui a décrété et le fait d'avoir dit lui dhikr et d'avoir enduré ainsi et de se réjouir même de cette situation, cet homme-là, Jabba, a reçu cela comme cause pour être guidé par la suite à l'islam. Radiallahu anhuma. Et plusieurs parmi ceux qui étaient opposés aux musulmans dans plusieurs batailles, que ce soit dans la bataille de Badr, que ce soit dans la bataille de Uhud, ou après même, on trouve qu'Allah Azza wa Jalla les a guidés. On trouve qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala les a guidés. C'est pour cela que les savants recommandent et disent, lorsque tu étudies à Sira, tu ne dois pas succomber aux émotions dans un yani directement. Parce qu'en étudiant certaines histoires touchantes et difficiles, tu peux avoir une réaction qui est d'invoquer contre cette personne ou d'insulter cette personne ou autre. Mais tant que tu ne sais pas ce sur quoi ces gens-là sont décédés et quelle fut la suite de leur vie, il te faut retenir ta langue, il te faut préserver ta langue. Un exemple, l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala raconte la venue de Abu Huraira lorsqu'il s'est converti à l'islam. C'est connu qu'Abu Huraira s'est converti lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la bataille de Khaybar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la bataille de Khaybar. Donc, tardivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de partager les biens. Abu Huraira, donc qui venait d'arriver, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une part dans cela. Il a demandé une part dans cela. Et il y avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam Aban ibn Sa'id ibn al-As. Aban ibn Sa'id ibn al-As. Ce musulman a dit à Abu Huraira ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui n'a pas participé à la bataille de Khaybar. Et comment est-ce qu'il demande une part alors qu'il n'a pas participé? Et Aban ibn Sa'id ibn al-As lui a demandé une part. Lui avait participé à la bataille. Qu'a répondu Abu Huraira? Quand Aban radiallahu anhu a dit cela à Abu Huraira, Abu Huraira a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien directement à Aban, na'am, au prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt, هذا قاتل النعمان ابن قوقل في غزوة أحد. Abu Huraira a répondu immédiatement au messager d'Allah, c'est celui qui a tué un grand compagnon, An-Nu'man ibn Qawqal, à la bataille de Uhud. C'est-à-dire que cet homme-là, Aban, dans la bataille de Uhud, était dans le rang des associateurs. Et il a tué des compagnons. Parmi eux, ce noble compagnon, An-Nu'man ibn Qawqal. An-Nu'man ibn Qawqal. Et Abu Huraira lui a donc répondu cela. An-Nu'man, plutôt Aban ibn Sa'id ibn al-As radiallahu an, a répondu wa ajaba. Ou comme c'est étonnant. Il a répondu à Abu Huraira devant la parole qu'il lui a dite wa ajaba. Tan'i alayhi qatla rajulin akramahu Allah ta'ala bi shahada bayna yaday aw bi yaday. Il a dit, oh, comme c'est étonnant. Yani, tu me fais cette reproche. Alors qu'Allah a honoré un croyant par ma main, il l'a élu par ma main. Yani, lui, Aban, dans la bataille de Uhud, était dans le rang des associateurs. Et sa main a été la cause du décès de ce compagnon, An-Nu'man ibn Qawqal. Alors Aban a répondu, comment est-ce que tu peux me faire cette reproche-là, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a honoré par ma main dans la bataille de Uhud, et il ne m'a pas humilié par sa main dans la bataille de Uhud. Allah l'a honoré par ma main dans la bataille de Uhud, mais il ne m'a pas humilié par sa main dans la bataille de Uhud. Pourquoi? Parce que s'il serait décédé lui, na'am, dans la bataille de Uhud, il serait décédé en dehors du tawhid. Na'am, il sera min ahli al-nar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui le bien et il l'a guidé par la suite à l'islam. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de ceux qui, à une période, étaient dans le rang des associateurs et ont même assassiné certains parmi al-muslimis et qui par la suite, Allah azza wa jal, les a guidés. On a cité l'exemple de Jabbar ibn Salma, ici l'exemple de Aban ibn Sa'id ibn al-As avec An-Nu'man ibn Qawqal, et il y a plusieurs exemples qu'on a déjà vus, comme l'exemple de Wahshi qui a tué Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu et qui par la suite est entré en islam, et plus encore il a assisté à la bataille contre Musaylama al-Kazzab et fait partie de ceux qui directement ont été la cause de son détrônement ou yani de sa mort. Et beaucoup d'autres parmi les sahaba, on a vu l'exemple de Khalid ibn Walid, on a vu l'exemple de Abu Sufyan, on a vu l'exemple de Ikrima ibn Abi Jahl, et tous ces situations inshallah ta'ala viendront plus tard dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. est plus proche de nous et de nos cours, celui qui a tué Yazid ibn Dathinna. Vous vous souvenez l'histoire avec Khubayb radiallahu anhu et Yazid ibn Dathinna? Safwan ibn Umayya, qui est donc le fils de Umayya ibn Khalaf, un des pires ennemis du prophète alayhi wa sallam, c'est lui qui avait acheté Yazid ibn Dathinna et l'a fait assassiner pour venger son père. Ben cet homme-là, plus tard, il se convertira à l'islam. Cet homme-là, plus tard, Safwan ibn Umayya, se convertira à l'islam. À Hunayn, après la bataille de Hunayn. Aussi, celui qui avait tué Khubayb, Uqba ibn al-Harith. Lui aussi, plus tard, il s'est converti à l'islam. Donc on referme cette parenthèse pour dire que beaucoup parmi ceux qui étaient contre l'islam ou les musulmans, plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés au tawhid et au secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ibn Tufayl a fait assassiner ce noble sahabi haram radiallahu anhu. Il ne s'est pas arrêté là. Après avoir trahi l'engagement de son oncle Abu al-Bara, il istanfara Bani Sulaym. Il a demandé l'aide d'une tribu afin de combattre le reste des musulmans qui étaient sur place. Dans un premier temps, il a demandé l'aide d'une tribu qui ont refusé. Pourquoi cette tribu a refusé? Parce qu'il y avait le diwar de Abu al-Bara. Ils ont respecté l'engagement de Abu al-Bara. Puis, il a demandé l'aide à Bani Sulaym et à d'autres. Ils ont répondu à sa demande et ils ont combattu les croyants jusqu'à tous les tuer, excepté l'un d'entre eux. Il se nomme Ka'b ibn Zayd ibn Najjar. Cet homme-là a été gravement blessé, mais par la suite, il s'en est sorti, radiallahu anhu, et il a vécu jusqu'à la bataille de Al-Ahzab. Jusqu'à la bataille de Al-Ahzab, radiallahu anhu. Parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal a honoré de par l'islam et a guidé à l'islam et qui sont décédés parmi ces 70, il y a un homme duquel nous avons déjà parlé, qui se nomme Amir ibn Fuhayra. Amir ibn Fuhayra ou bien Fuhayra. Qui est-ce qui se souvient de cet homme? On en a parlé lors de l'Hijra. Qui est-ce qui se souvient de cet homme? Wa Mawla li Abi Bakr. C'est celui qui avait préparé les montures. C'était le servant de Abu Bakr. Celui qui avait préparé les montures et il avança avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, Abu Bakr sur une monture et lui à pied. Ensuite Abu Bakr descendait et le laissait monter. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait et laissait monter Abu Bakr. Il tournait ainsi sur leur monture. Cet homme-là, plus tard, est entré en islam. Il est décédé dans cette bataille. Et il lui est arrivé un miracle. Lequel Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a cité dans son sahih, et c'est un athar de Urwa ibn al-Zubayr ibn al-Awwam. Urwa ibn al-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa rahimah nous dit que lorsque les gens de Bi'ru Ma'una sont décédés, Usira Amr ibn Umayya. Amr ibn Umayya a été fait prisonnier. Ibn Tufayl, Amr ibn Tufayl, lui a montré du doigt un de ceux qui est mort durant cette bataille. Il a demandé aux prisonniers, qui est-ce ? Vous comprenez ? Un parmi les croyants a été fait prisonnier. C'est Amr ibn Umayya. Amr ibn Tufayl, donc cet homme orgueilleux qui a combattu et qui a été la cause du décès de tous ses croyants, lui a demandé, Man hadha, qui est celui-ci ? Alors, le compagnon radiallahu anhu lui a répondu, Hadha Amir ibn Fuhayra. Il lui a dit, c'est Amir ibn Fuhayra. Puis, Ibn Tufayl lui-même a dit, لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء وأنظر إليه بين السماء والأرض ثم وضع. Un des miracles qu'il y a eu, c'est que l'ennemi lui-même, Amr ibn Tufayl, dit, quand on lui a dit que c'est Amr ibn Fuhayra, il a dit, cet homme, après son décès, je l'ai vu s'élever dans le ciel et je regardais, je le voyais élevé entre la terre et le ciel. Puis il a été posé. Donc après son décès, Amr ibn Fuhayra a été élevé au ciel, yani dans le ciel, puis il a été reposé sur la terre. Puis il a été reposé sur la terre, radiallahu anhum. Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé du Coran. Mais on ne le trouve pas dans le mushaf. Pourquoi ? Parce que ça a été abrogé. Parce que ça a été abrogé. Naam. Parmi ce qui est connu, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran une première fois entièrement, il a baïté l'izz. Puis, selon différents événements, il a révélé le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains versets, il les laissait. Et d'autres, lorsqu'Allah Azza wa Jal voulait, il les abrogeait. Il les abrogeait. Soit on les abrogeait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le texte ni le jugement. Soit il les abrogeait, on laissait le texte, mais on enlevait le jugement. Soit les deux. Naam, soit les deux. Et au sujet de ces gens-là, de ces 70, radiallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé du Coran. Comme l'a dit Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et ce athar est rapporté, ce texte est rapporté par l'imam al-Bukhari. Quelle est cette parole? Allah azza wa jalla a révélé donc leur parole. Balliru anna qawmana anna la ma'za anna laqina rabbana faradhiya anna wa radhina anna. Quelle était cette parole? Informer notre peuple que nous avons rencontré notre Seigneur, il est satisfait de nous et nous sommes satisfaits de lui. Ça, c'était du Coran. Suite à cette Mada Sariya, cette bataille, Allah Azza wa Jalla a révélé ce. Puis, ça a été abrogé. Par la suite, ça a été abrogé. Amr ibn Umayya avait été envoyé après la bataille de Uhud par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Il avait été envoyé à Mecca. Certains savants ont dit pour prendre des informations, d'autres ont dit pour se venger de Abu Sufyan, et d'autres versions ont été dites. Amr ibn Umayya marchait avec Al-Munzir et en chemin ils ont vu des vautours ou des rapaces tourner. Et ceci est connu que c'est un événement qui se produit lorsqu'il y a des morts. C'est une image que tu vois lorsqu'il y a des morts. Alors ils se sont dirigés vers cet endroit. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu leurs compagnons. Ils ont vu leurs compagnons. Amr ibn Umayya était un homme connu pour sa bravoure, pour son courage, pour sa force. Naam, c'était quelqu'un de très fort, même physiquement. Et il n'avait peur de rien, radiallahu anhu. Et il y avait avec lui Al-Munzir. Donc lorsqu'ils ont vu cette scène, ils se sont dirigés, ils sont descendus et ils ont combattu à deux. Subhanallah. Et ils ont combattu. Puis, Amr ibn Umayyah a été fait prisonnier. Amr ibn Umayyah a été fait prisonnier. Et Al-Munzir est décédé des suites de cela. Quand ils ont voulu tuer Amr ibn Umayyah, Amr ibn Tufayl a su qu'il faisait partie de la tribu de Mudhar. Alors il s'est abstenu et il l'a affranchi en disant que sa mère avait un esclave à affranchir. Donc il saisit cette occasion pour le faire. Donc il a pu revenir à Al-Madina. Il a pu revenir à Al-Madina, c'est-à-dire Amr ibn Umayyah radiallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela, ça l'a grandement attristé. 70 parmi ses compagnons, parmi les savants, parmi les lecteurs du Coran, parmi les dévots, ceux qui se levaient et priaient la nuit, qui travaillaient et nourrissaient les pauvres, ça l'a grandement attristé. Il a donc fait ce qu'on appelle Al-Qunut. Il a donc fait ce qu'on appelle Al-Qunut pendant un mois. Naam, pendant un mois, il a fait du'a al-qunut dans les prières. C'est-à-dire que dans les prières obligatoires, avant de descendre en sujoud, naam, il faisait du'a. Il faisait du'a contre Amr ibn Tufayl et Maza contre ses différentes tribus, ceux qui se sont unis contre les croyants comme Ri'l et comme Zakwan et d'autres. Wallah musta'an. Sur son chemin du retour, Amr ibn Umayyah a vu deux personnes et il pensait qu'il faisait partie des gens de Najd qui avaient participé à Maza, au combat contre les croyants. Alors, il les a agressés, les deux. Et alors qu'en réalité, il faisait partie de la tribu de Banu Kilab. Donc il a tué deux personnes. En rentrant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il a informé qu'il avait un pacte avec eux. Donc il allait sortir la diya. Il allait sortir le prix du sang. Il allait donc sortir pour eux, pour ces deux personnes de la tribu de Banu Kilab. Il allait sortir le prix du sang. Ad-diya. Devant cette grande somme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'aide des sahabes. Puis, il est parti voir Banu Nadir, une des tribus des gens du Lit. Il est parti trouver Banu Nadir et il leur a demandé de l'aide pour payer le prix du sang de ces deux personnes. Pourquoi? Parce que eux avaient un pacte avec cette tribu-là, Banu Kilab. Ils avaient un pacte avec Banu Kilab. Donc, soit Banu Nadir avec Banu Kilab, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec. Lorsqu'il est parti le voir, et leur chef s'appelait Huyay ibn al-Akhtab, ils ont fait mine d'accepter sa demande. Et ils lui ont dit, attends là, et on va te ramener ce que tu as demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seul. Il était avec Abu Bakr, il était avec Omar, il était avec Othman, il était avec plusieurs de ses nobles compagnons, radiallahu anhum. En réalité, Banu Nadir se sont réunis et ont comploté pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en saisissant cette occasion. Quand ils lui ont dit « Attends-nous », le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à l'ombre de leurs murs. Et ces gens-là vivaient dans quoi? Dans des forteresses. Ils vivaient dans des forteresses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en les attendant, s'est appuyé contre le mur à l'ombre. Et il y avait avec lui plusieurs parmi sahabes. Eux ont comploté à ce moment-là. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se sont dit mutuellement, c'est une occasion rêvée pour l'assassiner. Wal'iyadu billah. Naam. Puis, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire ça? Et ils ont trouvé que la solution était de prendre une grosse pierre et de lui jeter pour le tuer. Wal'iyadu billah. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa khayru amada man yahfad ibadahu al-mu'minin. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur des gardes et c'est celui qui préserve ses serviteurs. Alors Allah azza wa jalla a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur complot. Alors il s'est levé immédiatement et il est parti et il ne s'est pas arrêté jusqu'à arriver à Medina. Et les sahaba l'ont suivi. Arrivé à Medina, il a informé de ce dont Allah azza wa jalla l'avait informé. Il a levé une armée. Naam, et il s'est rendu chez Banu An-Nadir. Et Amala, celui qui avait accepté de jeter cette pierre, se nomme Amr. Il se nomme Amr ibn Jihash. Amr ibn Jihash, qui faisait partie de donc la tribu de Banu Nadir. C'est lui qui a voulu jeter cette pierre, Allah al-Musta'an. C'est pas une pierre, c'est une chose plus conséquente que cela. Un rocher, ou une grosse pierre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Medina. Il a informé ses sahaba, il a levé une armée. Et il a laissé Ibn Umi Maktoum en responsable à Medina. Et ils les ont encerclés durant 6 jours. Ils ne sont pas sortis pour combattre, et c'est leur habitude. Ils se sont enfermés dans leur forteresse, et au bout de 6 jours, ils se sont rendus. Ils se sont enfermés dans leur forteresse, et au bout de 6 jours, ils ont capitulé. À ce moment-là, durant les négociations, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a communiqué avec Banu Nadir. A communiqué avec qui? Avec Banu Nadir. Et il a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comploté contre lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Banu Nadir, n'acceptez aucun arrangement avec lui. Combattez-le et on sera avec vous. Hein? Ça c'est l'habitude des munafiqines. Ça c'est l'habitude des munafiqines. Al-ghadr. Naam, la trahison. Wal-makr. Wal-khida'. La trahison, le complot, la traîtrise. Donc le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a envoyé à Banu Nadir n'accepter aucun arrangement avec lui. Mais combattez-le et on sera avec vous. Combattez-le et on sera avec vous. Mais comme à leur habitude, ce sont les gens les plus lâches et ils ne respectent pas le dépôt et ils ne tiennent pas la kalima. Alors lorsque ça s'est produit, bien évidemment, ils n'ont pas bougé. Lorsque ça s'est produit, bien évidemment, ils n'ont pas bougé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au bout de 6 jours, Allah azza wa jalla lui a accordé le dessus et il a ordonné à ce qu'ils soient tous expulsés de Al-Madina. Amara bil ijla, bil jala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'ils sortent tous de Al-Madina. Parce qu'auparavant, il les a acceptés, il les a gardés avec un pacte et qu'ils ont trahi. Lorsqu'ils ont trahi ce pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé une armée contre eux et lorsqu'ils ont capitulé, il leur a ordonné de sortir de Al-Madina. Et il leur a permis de prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre sur eux. Il leur a permis de sortir avec tout ce qu'ils pouvaient prendre sur eux et sur leurs montures, sauf leurs armes. Sauf quoi? Sauf leurs armes. Ils sont donc partis. Certains sont partis à Khaïba, comme leur chef et d'autres. Et d'autres sont partis à Sham. D'autres sont partis à Fisham. Et les premiers sont partis à Khaïba. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière sur Banu An-Nadir. Quelle est cette sourate? Quelle est cette sourate? Ndaman. Taïb. Quelle sourate du Coran est surnommée Sourate Banu An-Nadir? Il y a des sourates du Coran qui ont des surnoms. Il y a des sourates du Coran qui ont des surnoms. Comment est-ce qu'on surnomme Sourate al-Isra? Sourate Ben Israël. Comment est-ce qu'on surnomme Sourate al-Talaq? Hein? Sourate al-Nisa al-Sughra. Il y a plusieurs sourates du Coran qui ont des surnoms. Tayyib. Cette sourate a Maza a un surnom. Banu Nadir. Quelle est cette sourate? Comment? Al-Hashr. Sourate al-Hashr. Non? Sourate al-Hashr est surnommée Sourate Banu Nadir. Sourate Banu Nadir, parce que dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous raconte leur histoire, leur trahison. Et Allah Azza wa Jal dévoile les munafiqin, les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala vante les mérites des muhajirin, des ansar et de ceux qui sont venus après et qui sont restés sur ce chemin-là. Et Allah Azza wa Jal dévoile les munafiqin et montre ce qu'ils ont essayé de faire et de comploter. Et montre la mauvaise finalité de Banu Nadir, du fait qu'ils ont trahi le pacte comme l'avait fait avant eux leur première tribu, Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa. Naam. Et Allah Azza wa Jal nous dit de tirer des leçons de leur histoire. Et dans le même chapitre, on trouve qu'il y a Sourate al-Munafiqi. Hein? Dans Juz Qad Asmi'a Allah, il y a Sourate al-Hashr. Et on trouve quoi aussi? Sourate al-Munafiqi. A'adana Allahu wa iyyakum min an-nifaq. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sabbaha lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-aziz al-hakim. Exempté soit Allah de tout défaut, c'est lui qui, dans les cieux et sur la terre, est glorifié. Et il est le puissant et le sage. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَةٌ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de Banu Nadir. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux qui parmi les gens du livre ne croyaient pas lors de la première exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre eux, contre Allah. Du fait qu'ils se sont repliés dans leur forteresse après avoir trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils pensaient que cela allait les protéger. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains, autant que des mains de croyants. Ça, c'est au moment de partir. Au moment de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du fait qu'ils allaient tout abandonner, ils n'ont pas voulu que les croyants héritent ou prennent par la suite leur demeure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont cassés avec leurs propres mains. Naam, ils les ont cassés avec leurs propres mains. Allah Azza wa Jal nous cite cela. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Allah Azza wa Jal nous ordonne de tirer des leçons de la finalité de leur trahison. Ils étaient à Medina, ils étaient en sécurité. Naam. Et lorsqu'ils ont trahi de eux-mêmes, ils ont comploté de eux-mêmes, ils ont fini par tout perdre. Ils ont fini par tout perdre. Celui qui trahit et celui qui complote et celui qui essaye de toucher de mal, d'un mal les croyants, en pensant qu'il va avoir une bonne finalité, qu'il médite l'histoire de Banu Nadir. Qu'il médite l'histoire de Banu Nadir. Et Amir ibn Tufayl, celui qui a été la cause du décès des 70 compagnons de Qurra, lui aussi a eu une mauvaise finalité. C'est qu'il a été touché par la peste. Il a été touché par la peste. Et lorsqu'il était au plus mal, il a ordonné à ce qu'on le mette sur sa monture. Il est monté sur son cheval et il est mort dessus. Lui qui disait je vais prendre la succession, lui qui disait on partage, lui qui disait si tu t'acceptes pas, je vais lever une armée contre toi et tu verras. Il a fini mort par la peste. Mort de quoi? La peste. Naam. Et ici, dans Sourate al-Hajj, on nous dit فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّارٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait ce qu'on appelle al-jala. Al-jala, c'est tu les vires tous. Naam, tu les expatries. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si cela n'avait pas été prescrit, ils auraient certainement été châtiés ici-bas et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة وتركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager. Et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah. Et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Lorsque sahaba sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de couper les palmiers et de les brûler. Non. Alors eux ont dit, yani comme si c'était l'injustice et ils se sont plaints. De ça. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa bi idhnillah. Naam, ceci est l'ordre d'Allah azza wa jalla, wa yughzi al-fasiqin. Pour qu'il soit encore plus déçu de cela. Puis Allah azza wa jalla a parlé de al-fay. Al-fay, c'est ce qui revient dans la main du gouverneur, mais c'est pas El Ranima, c'est pas le butin lors d'une guerre, non, c'est ce qui a été obtenu ainsi. Alors le gouverneur a le choix de distribuer selon ce qu'il voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc partagé cela entre certains sahaba, entre certains parmi les sahaba, et il a ajouté à eux Abu Dudiana et un autre parce qu'ils étaient pauvres. Allah nous dit وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, concernant la donation du fay. Puis Allah Azza wa Jal vante les mérites d'Al Muhajirin, le mérite des Ansar, en lui disant les fuqara il Muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il appartient aussi aux immigrés qui sont dans le besoin, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Si Allah Azza wa Jal fait l'éloge de l'Muhajirin, il fait l'éloge de l'Muhajirin et montre qu'ils ont été expulsés de Mecca et ils ont perdu leurs biens. Ce sont les véridiques. Puis Allah Azza wa Jal fait l'éloge de Al-Ansar. Il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Si Allah Azza wa Jal vante les Ansar, les habitants de Medina qui ont accueilli les Muhajirin. Puis Allah Azza wa Jalla dit sous la traduction des sens de ce verset et qui les préfère à eux-mêmes, même s'il y a une pénurie chez eux. C'est-à-dire que l'Ansar, quand les Muhajirin sont venus, ils ont dépensé pour eux, ils ont partagé leurs richesses alors qu'eux-mêmes avaient des besoins. mais ils ont préféré leur frère en Allah et Muhajirin sur leur propre personne. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a montré le droit des sahaba et nos devoirs envers eux quant à la préservation du cœur et à la préservation de la langue, en nous disant وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur contre ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Ça, c'est l'adab de ceux qui viennent après. Ceux qui viennent après Sahaba, radiallahu anhu, ils les aiment pour Allah Azza wa Jal. Ils invoquent en leur faveur et leur cœur est propre à l'égard des sahabes, à l'égard de sahaba. De là, tu comprends la gravité de penser du mal de sahaba ou de les citer en mal. Ça ne fait pas partie de la voie de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a agréé. Ça ne fait pas partie de la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, le fait de parler sur sahaba ou une partie d'entre eux. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé les hypocrites qui pensaient agir en cachette et qui pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaîtra jamais cela. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum la nansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسٌ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Si Allah Azza wa Jalla a dévoilé al-munafiqin et a déjoué leur complot. N'as-tu pas vu les hypocrites qui disaient à leurs confrères qui n'ont pas la foi parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, donc ici Allah Azza wa Jalla fait référence à quoi? Au comportement de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul avec Banu Nadir, lorsqu'il leur a dit n'acceptez rien, aucun pacte, aucun arrangement, combattez-les, on sera avec vous, et si vous êtes amenés à sortir, on sortira avec vous, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla parle de ces hypocrites et cite leurs paroles: si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes, et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs. Ça, c'est l'habitude des munafiqins. Al-kadhib, isti'mal al-kadhib, wal-khiyana, le fait d'utiliser le mensonge, la trahison, la traîtrise, ça, c'est une des caractéristiques les plus apparentes des munafiqins. Allah Azza wa Jalla les a dévoilés et atteste qu'ils sont des menteurs. Puis il dit, s'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos. Puis ils ne seront point secours. Parmi les caractéristiques des hypocrites, al-jubn, sont des lâches. Non. Donc même en allant les secourir, ils se seraient sauvés. Ils se seraient sauvés. Ils n'auraient rien pu faire pour eux. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Puis Allah Azza wa Jalla nous a décrit l'état de Banu Nadir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Mais ça, c'était leur habitude. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis alors que dans leur cœur, ils sont divisés. Ça, c'est l'habitude de tous les gens du mal sans exception. Quand tu les vois devant les gens du haqq, devant les gens de la vérité, tu les croirais unis. Tu les croirais unis. Lorsqu'ils s'unissent, c'est pour nuire aux gens du bien. Mais en vrai, entre eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas sur les mêmes positions. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Tu les pensais, tu croirais unis, alors que leurs cœurs divergent. Et ça, c'est l'habitude d'Ahlul Bid'ah. Et ça, c'est l'habitude des gens de l'innovation. Non. Chacun a un avis, et chacun a une stratégie, et chacun a un chemin pour obtenir un bien. Quand tu les regardes pour une action commune, ils s'unissent. Ou bien contre l'Ahlul Sunnah, ils s'unissent. Mais dès que cela s'arrête, ce sont les premiers à s'accuser les uns les autres, à se combattre les uns les autres, et ainsi de suite. Non. Donc ne dis pas, les gens de la vérité divergent et les gens du faux sont unis. C'est pas vrai. Les gens du faux, ils ne sont pas unis, si ce n'est en apparence. Pour concrétiser un bien, une chose qu'ils pensent être bien, ils s'unissent à ce moment-là. Alors qu'en réalité, ils se détestent. Dans leur cœur, ils ne s'aiment pas. Ils ne veulent pas travailler ensemble. Mais ils pensent qu'en s'unissant et en ayant un nombre plus grand, ou bien pour une chose de dunya, alors ça leur servira. Allah subhanahu wa ta'ala les dévoile. Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'ils échouent à chaque fois. Et cela depuis les temps anciens, jusqu'à notre époque. Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'ils ne concrétisent pas ce qu'ils espèrent. C'est-à-dire mettre en déroute les gens du haqq. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle et nous rappelle leurs frères et leurs autres tribus qui auparavant avaient déjà trahi le pacte. Eux, c'est Banu Nadir, la deuxième tribu. La première, c'était qui? Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa avait déjà rompu le pacte et trahi le pacte. Non, ils avaient déjà rompu et trahi le pacte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant, donc là on est après quelle bataille? Là on est après la bataille de Uhud. Peu de temps avant, après la bataille de Badr, Banu Qaynuqa a trahi le pacte, le prophète sallam a levé une armée. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant, ont goûté la conséquence de leur comportement et ils ont un châtiment douloureux. Allah tabaraka wa ta'ala leur dit, il y a peu de temps, les autres ont fait cela. Mais, subhanallah, sahibul batil, celui qui est dans le faux et qui est guidé par ses passions, il ne tire pas des leçons. Il ne tire pas des leçons de ceux qui sont autour de lui et de ceux qui ont subi le mal. Wallahu musta'an. Et à la fin de la mada de la sourah, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite de ses noms, de ses attributs, et il fait ses éloges. Tabaraka wa ta'ala. Fahadihi ya suratul hashr. Cette sourah est suratul hashr, et elle est surnommée suratul banin nadir. Elle est surnommée suratul banin nadir, du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte dans cette sourah cet événement et la trahison de ces gens-là. Et la cause de tout ça donc, la tentative de l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une grande faïda qu'on tire de cela. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nastafid min hadhihi al-qissa anna an-Nabi alayhi salatu wa salam la ya'lamu al-ghayb. On tire de cette histoire-là, donc de Sariyatu bi'ri ma'una et ensuite de Razwatu bani al-Nadir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas le passé. Lorsque Abu al-Bara lui a demandé d'envoyer des gens à Najd pour appeler les gens à l'islam, il a eu peur pour Sahab. S'il avait eu connaissance du futur, il n'aurait pas envoyé un Sahab. Il n'aurait pas envoyé 70 personnes parmi les meilleurs, parmi les lecteurs du Coran, ceux qui prient la nuit, ceux qui dépensent le jour, qui étudie la science et la met en pratique. Hein? Donc il ne connaît pas El Ghaib, il ne connaît pas le futur. Et ici, lorsqu'il est parti demander à Banu Nadir de l'aide pour les deux de la tribu de Banu Kilab qui avaient été tués, pour payer le prix du sang, il ne savait pas qu'ils allaient comploter contre lui et qu'ils allaient essayer de l'assassiner. Naam. فهو عبد الله ورسوله فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est le serviteur d'Allah et son messager, mais il n'a pas de propriété de rububiyya. Il n'a pas la science des choses cachées, il n'a pas la science du futur, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Ce qu'il nous a transmis, il ne le connaît pas de lui-même. Personne ne peut connaître le futur. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Allah nous dit dans le Coran, « Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, al-ghayba illallah. » Dit, « Nul ne connaît que soit dans les cieux ou la terre, les choses de l'invisible, si ce n'est Allah. » Si ce n'est Allah. Et Allah lui ordonne même de nous informer que s'il avait connaissance des choses de l'invisible, il aurait eu beaucoup de bien et le mal ne l'aurait jamais touché. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été touché à la bataille de Uhud. Hein? De ses dents ont été cassées, son mirfar lui a été enfoncé dans les joues, son sang a été versé sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui voulait rester à Al-Madinah. Naam, et attendre l'ennemi et combattre Al-Madinah. Mais certains parmi les Sahaba l'ont poussé à sortir de Al-Madinah. Tous ces événements nous montrent quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas les choses de l'invisible. Et dans cela, il y a une réfutation à tous ceux qui exagèrent sur les prophètes, sur les messagers ou sur les personnes vertueuses en disant qu'ils connaissent les choses de l'invisible et ils connaissent le besoin de certaines de leurs créatures ou des créatures d'Allah Azza wa Jal, et ils font attention à ceux qui sacrifient pour eux, et ainsi de suite. Et ils disent, certains exagèrent même, en disant que telle personne parmi les pieux, selon elle, de son vivant, telle personne est préoccupée et occupée par l'adoration d'Allah. Mais après son décès, son rôle change. C'est quoi? C'est de répondre aux besoins de ceux qui vont les adorer en dehors d'Allah, wal'iyadu billah. Hein? Ça, c'est du shirk akbar. Ça, c'est exactement la religion de Abu Jahl, la religion de Ubay ibn Khalaf, et ainsi de suite. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adoraient des saints, ils adoraient des morts, et ils leur demandaient de demander pour eux à Allah. Ils leur demandaient de demander pour eux à Allah. En disant, Mada, cela nous rapproche d'Allah parce qu'ils sont pieux, parce qu'ils sont, ce sont des gens proches d'Allah, mais nous on a beaucoup de péchés, alors on ne peut pas demander à Allah directement, on ne peut pas faire dua, donc on va sacrifier pour ces morts et ces morts vont monter notre besoin chez Allah. Hada wa shirk. C'est ça le shirk. Naam, c'est exactement ça le shirk billah al-azim. Le fait de prendre une adoration et de la donner à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah Azza wa Jal nous cite cette action dans le Coran et il nous dit exempter soit Allah de tout défaut devant tout ce qu'ils font comme shirk. Allah a appelé cette action shirk. Donc de prendre une adoration, de la donner à un autre qu'Allah, en ayant comme intention que cet autre monte ton besoin chez Allah, c'est du shirk. Allah Azza wa Jalla a appelé cela dans le Coran du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé leur action comme étant du shirk. Donc celui qui donne une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne soit pieuse ou non, c'est du shirk akbar wal'iyadu billah. C'est une chose qui annule l'islam de la personne. C'est une chose qui annule le tawhid de la personne. Même si elle prie, elle jeûne et elle fait le hajj tous les ans. Tant que cette base n'est pas bonne, Allah Azza wa Jalla n'accepte rien de cette personne-là. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets le shirk, toutes tes actions deviendront vaines. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal annule les actions de celui qui tombe dans le pire des péchés, al-ishraku billah. Donc on doit être dans le juste milieu concernant les prophètes, les messagers, les personnes vertueuses. Quant aux prophètes, on dit d'eux, comme Allah a dit d'eux dans le Coran, et comme ils ont dit d'eux-mêmes dans la Sunnah, Abdullah wa Rasul. C'est un serviteur d'Allah, donc on ne l'adore pas, mais c'est le messager d'Allah, donc on ne le dément pas. Donc on ne le dément pas. Non. On tire également comme leçon de ces saraya que ad-da'watu ila Allah est une énorme responsabilité sur les prophètes et également sur leurs héritiers. Parce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le danger et malgré la difficulté, il a choisi 70 parmi les plus nobles compagnons et il les a envoyés pour appeler les gens à l'islam. Donc, da'ya ila Allah, celui qui invite les gens à l'islam, certes, c'est une très lourde responsabilité et la difficulté, elle ne doit pas le faire faiblir. C'est-à-dire celui qui prêche, celui qui invite les gens à Allah Azza wa Jal, il doit supporter, il doit endurer, il doit patienter, que ce soit sur sa personne. Il se peut qu'on lève la main sur lui, il se peut qu'on tente d'attenter à sa vie ou à sa famille, il se peut qu'on lui fasse du mal dans ses biens, dans son argent, il se peut qu'on lui fasse du mal dans son honneur, il se peut qu'on lui fasse du mal dans toutes sortes de choses. Mais celui qui invite à Allah tabaraka wa ta'ala, il doit savoir ce qu'il porte comme responsabilité et ce qu'il recherche comme récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela doit être yani, des provisions nécessaires qui vont lui permettre d'endurer cette situation. Comme on a vu chez ceux qui sont partis à Bir Ma'una, yani, cette grande épreuve qui les a touchés, malgré ça ils se sont montrés endurants et ils se sont soumis au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au point le premier Maza Allahu Akbar fuztu wa rabbil Ka'ba. Une kalima tellement immense qu'elle a été la cause de la conversion de celui qui lui avait mis cette lance. Wallahu musta'an radiyallahu anhuma. On tire aussi de cette histoire thubut ou isbat al-karamat. Naam, l'affirmation des miracles. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire qu'Allah Azza wa Jal accorde aux suiveurs des prophètes. Les karamat, ce sont des signes d'Allah et des choses, des événements qui sortent de l'ordinaire qu'Allah Azza wa Jal accorde à certains de ses serviteurs qui suivent les prophètes. Et il y a de grandes différences entre les karamat, ça touche les gens qui sont pieux et qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mada, les actions des shayatins, parmi les hommes ou parmi les ins. Naam, certaines personnes, par exemple, rentrent dans le feu, ou bien volent dans les airs, ou bien marchent sur la mer, ou bien. Les ulama disent de ça, on ne dira pas que c'est une personne pieuse et que c'est un miracle de la part d'Allah, tant qu'on n'aura pas pris ses actions et on les aura pesées sur le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que cette même action peut être une karama et ça peut être aussi l'œuvre du shaitan. Si c'est une personne pieuse qui suit le Coran ou la Sunna, alors ça rentre dans le karama s'il fait une chose qui sort de l'ordinaire. Et si c'est une personne qui n'est pas comme telle, alors ça fait partie de ce que font les shayatins parmi les hommes et parmi les djinns. Certains disent, mais regarde, il arrive à marcher dans le feu, sur le feu, il arrive à faire ça. Des choses qui en apparence sortent de l'ordinaire. Ou bien il prend une épée, il se la rentre et il ne meurt pas, ou bien il fait, ou bien il fait. Ça, c'est min a'mal ash-shayatin. Ça, c'est l'œuvre des démons. Ça, c'est l'œuvre des diables. Quant aux karamat, quant aux miracles, ce sont des choses par lesquelles Allah Azza wa Jal honore ou affermi ses serviteurs pieux de par leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une karama n'arrive jamais sur une personne qui ne suit pas ad-din, qui ne suit pas le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire également mashru'iyatu al-qunut fi salawat 'inda wujud an-nazila. On tire également le caractère légiféré de du'a al-qunut dans la prière. Dans la prière. Car lorsque les gens de Bi'rul Ma'ouna, al-Qurra radiyallahu anhum, se sont fait assassiner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant un moment, a fait du'a al-qunut dans la salat. Il priait et avant de descendre en sujoud, il faisait du'a à voix haute. Il faisait du'a à voix haute et ma'adha ceux qui étaient derrière lui disaient Amin et faisaient du'a contre ceux qui ont transgressé. Ici, on attire notre attention sur les gens qui ont été choisis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller en da'wah. Qui est-ce qui a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Hein? Des nouveaux convertis qui n'ont pas étudié? Des gens qui ne sont pas arabophones? Qui est-ce qui a été choisi ici? Al-Qurra. Al-Qurra. Des gens qui lisent le Coran, qui connaissent du Coran, qui appliquent le Coran, qui ont de la science. Hein? Ce sont eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour aller faire da'wa à Najd. Est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut être quatre. Un c'est l'amir, un c'est le dalil, un c'est kada, un c'est kada. Est-ce qu'il a dit ça? Ou non? Non. Est-ce qu'il a dit, vous allez partir 3 jours ou 4 jours? Hein? Alors 40 jours, non. Kullu hadi muhdathat. خرافات ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا سلطان. Toutes ces choses là sont innovées et n'ont pas de base ni dans le Coran ni dans le Sunna. Allah Azza wa Jalla n'a pas révélé à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait qui? Des gens de science. Celui qui veut inviter les gens à Allah Azza wa Jalla, il doit avoir une science sur laquelle il va baser son prêche. Allah dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, hein, Surat Al-Da'wah, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah avec science, moi et ceux qui me suivent. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah, mais avec science. Donc ça, c'est un des points les plus importants ici. C'est que tu appelles les gens à Allah Azza wa Jal avec science du Coran et de la Sunna. Hayya 'alas-salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Donc ici on nous montre que celui qui vient inviter Allah subhanahu wa ta'ala faire da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala, il doit avoir des provisions. Et parmi les bases dans ces provisions, al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala, inviter et vouloir que les gens reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grandes bases, al-ilm, la connaissance, la science. On ne dit pas qu'il doit attendre d'être un savant pour faire la da'wah, mais il doit être connaisseur de ce à quoi il invite les gens. Il doit être connaisseur de ce à quoi il invite les gens. Comment est-ce que l'ignorant pourrait inviter les gens à une chose qu'il ignore lui-même? Comment est-ce que on pourrait inviter des gens à une chose alors que nous-mêmes on ne la connaît pas? Comment est-ce qu'on pourra les orienter, répondre à leurs questions, enlever leurs ambiguïtés alors que nous-mêmes on ne connaît pas le sujet? Na'am. Et de là, tu vois que la voix de la secte qui est appelée des fois Jama'atul Da'wa, Jama'atul Tablir, ou appelez-les comme vous voulez, Yani Mubtada'a. Na'am, c'est une secte innovée qui a pour Ma'adha, fondateur Mohamed Ilyas. Na'am, et tu trouves dans les livres de ceux qui les ont suivis, Subhanallah des Shirkiyat. Et tu trouves que c'est le fruit à la base d'un rêve. Subhanallah al-Azim. Comment est-ce que tu laisses le Coran et la Sunna et tu vas baser tout un din sur le rêve d'un homme? Allahu Akbar. Na'am. Fahadihi jama'a dhala wa mubtada'a. Na'am. Et donc, tous ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala avec ignorance, ils ont contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela, ils ont contredit la voix du Coran. Ils ont contredit la voix du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit: Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Dis: voici ma voix, j'appelle Allah. Ala basira, avec clairvoyance, avec science. Ana wa man ittaba'ani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au Yémen Mu'ad ibn Jabal. Et il nous dit que c'est le plus savant du halal et du haram. Il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et il est connaisseur du Coran. Et ici, on voit qu'il a envoyé 70 parmi les sahaba qui sont surnommés Al-Qurra. Subhanallah. Donc celui qui veut appeler Allah Azza wa Jal, il doit étudier. Il doit étudier, parce que le fait de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, c'est un des pires péchés. Allah nous dit dans le Coran: وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas science. Allah nous dit également: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de dire sur Allah ce dont nous n'avons pas science. Ça, c'est un des pires péchés. Celui qui parle dans l'islam alors qu'il n'a pas étudié, celui qui parle dans l'islam alors qu'il ne connaît pas, il tombe dans le pire péché. Il tombe dans le pire péché. L'ignorant, son obligation, c'est de se taire. L'ignorant, il doit se taire, il doit demander à ceux qui connaissent. Et quand on lui demande, il dit Allahu a'lam. Il dit je ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus savant lui-même, quand on lui a demandé matas-sa'a, c'est quand l'heure de la fin du monde, il a dit mal mas'oul wa anha bi a'lama min as-sa'il. Lui-même il a dit je ne sais pas. Il a dit celui qui à qui tu poses la question n'est pas plus savant que celui qui me pose la question. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, un des grands savants chez Sahaba, lorsque le prophète sallam lui a dit Atadri man is-sa'il, sais-tu qui est-ce qui posait les questions dans le hadith de Jibril, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Il a dit Allah et son messager sont plus savants. Donc lorsque tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Les anges, lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur a demandé le nom de toute chose, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Dans sourate Al-Baqarah, ils ont dit nous n'avons pas de science sauf ce que tu nous as enseigné. Les anges, lorsqu'ils ne savent pas, ils ne répondent pas. Comment se fait-il que celui qui parmi nous n'a pas connaissance ou n'a pas étudié, non seulement il parle, mais il dit, moi je vais en da'wa ici et là-bas et je vais propager l'islam partout. Et ya akhi, assis-toi, viens t'asseoir, apprends. Apprends ta aqida, apprends le fiqh, apprends l'arabe, apprends ça, apprends. Et ensuite, yani pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Et ensuite tu vas transmettre si Allah Azza wa Jalla te facilite plus loin. Wa hakala. Amma que tu laisses ta famille et tu laisses ceux dont tu as la responsabilité. L'un d'entre eux, il prend son frère et il dit tu vas dépenser pour ma famille et moi je vais aller en da'wa fi sabilillah et pendant 4 mois et c'est toi qui vas gérer la famille. Allahu Akbar. Et allez toi, tu vas aller apprendre aux gens l'islam et c'est ton frère qui va ramener à manger pour ta famille. Ça c'est l'islam. La ya. Na'am, toi tu es responsable, anta mas'oul. Na'am, anta mas'oul. Wa talab al-'ilm fariidatun 'ala kulli muslim. Et d'apprendre de ta religion ce par quoi tu vas pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla au quotidien, c'est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Wallahu a'lam wa sallallahumma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu 'anil sahabati ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.